1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui, les amis. Alors, je ne sais pas si vous entendez, je suis en direct d'un vortex temporel. J'ai décidé de prendre ce vortex pour pouvoir retrouver les 4 fantastiques d'antan. Je suis en direction du New York des années fin 50, début années 60. Je vais essayer de vous décrire qui sont les 4 fantastiques, leurs origines. J'essaierai de vous parler aussi de la prochaine sortie du film des 4 fantastiques. Et de vous faire une courte analyse détaillée de la bande-annonce, car à l'heure où je suis actuellement dans le vortex temporel, il n'y a qu'une annonce de sortie. Je pense qu'il y en aura d'autres depuis, mais ça me permettra d'en refaire encore un autre podcast, un nouvel épisode sur les 4 fantastiques et de leur univers très riche. Voilà, alors, je vais essayer de voir, j'ai un bouton à distance pour activer le générique, donc je vais essayer de voir si ça marche. Dans tous les cas, normalement, le vortex doit m'emmener au pied du Baxter Building dans le New York des fins années 50, début années 60. A tout de suite, peut-être. Waouh la vache, ça a marché les copains. Je suis dans le New York des années 60, fin d'années 50. Oh c'est magique, j'ai jamais été à New York, mais là c'est vraiment tout ce que j'imaginais. Et encore plus dans cette décennie, fin années 50, début années 60, qui est pour moi la meilleure, bien entendu. C'est les années d'Elvis, les années Spoutnik, notamment pour la conquête spatiale, etc. Donc honnêtement, c'est génial. Et cette ambiance de rue, les amis, magnifique. Oh, et en plus, pile poil, vous devinerez jamais où je suis au pied de l'authentique Baxter Building. C'est incroyable. Ah, j'espère voir les 4 fantastiques au moins. Alors les amis, laissez-moi vous parler du Baxter Building, puisque je suis au pied de ce bâtiment qui est plein d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, les 4 fantastiques opéraient depuis un ensemble d'appartements secrets qui étaient situés à Manhattan, et cependant ils décidèrent rapidement de choisir un quartier général plus vaste et prestigieux pour stocker leur équipement considérable, et parce qu'aussi Monsieur Fantastique, alias Reed Richards, parce qu'il souhaitait dès le début que les activités des 4 Fantastiques devaient être visibles, et cela faisait partie de sa stratégie de long terme pour cultiver une image publique favorable et obtenir l'acceptation du grand public de leur groupe de super-héros. Alors, le Baxter Building est connu comme le quartier général emblématique des 4 Fantastiques. Alors là, je l'ai sous les yeux, j'ai compté, et effectivement, il contient 35 étages, il se trouve au cœur de Manhattan, et là, juste, allez, à même pas un pied, deux immeubles près, on se retrouve près du siège des Nations Unies. Il a été conçu, cet immeuble, par Noah Baxter, d'où le nom Baxter Building, mais aussi par Leland Baxter, qui était détenteur de ce qu'on appelle la Baxter Company. Baxter Company, c'était une entreprise qui avait pour objet d'accueillir des machines pour recycler du papier. Voilà. Et du coup, c'était une compagnie qui officiait dans la région de Manhattan. Je n'ai pas connaissance du fait, d'après mes recherches, que cette entreprise est une aura ou une activité qui va au-delà du secteur de Manhattan. Lorsque les 4 Fantastiques envisagèrent de s'installer dans cet immeuble, Richard a pu réaliser que les 5 derniers étages étaient inoccupés et que ces 5 derniers étages répondaient parfaitement aux besoins du groupe de super-héros des 4 Fantastiques. il profita de cette aubaine pour acheter donc ces 5 derniers étages du Baxter Building et en faire le quartier général, mais aussi le domicile des 4 fantastiques. Il finance, il supervise les travaux nécessaires pour adapter ces 5 derniers étages et puis rénover aussi ces 5 derniers étages qui étaient abandonnés par la Baxter Company. Et ces rénovations devaient absolument répondre aux exigences spécifiques de l'équipe des 4 Fantastiques. Alors après quelques recherches, évidemment, et puis avoir farfouillé un petit peu sur l'histoire de ce Baxter Building, j'ai pu apprendre que le 30e étage abritait la salle d'accueil où les visiteurs étaient reçus par les 4 Fantastiques. Le 31e étage contenait les quartiers résidentiels des super-héros. Le 33e étage comprenait le laboratoire de Reed Richards, qui était constamment, on va dire, modifié et qui est constamment, on va dire, en stockage, mais c'est pas tellement ça. Ce que je compris dans les archives, c'est que dans son laboratoire, il y avait toutes ces machines et expérimentations et qu'il ne mettait pas ces machines et expérimentations dans d'autres étages. Le 35e étage sert de hangar pour les véhicules des 4 Fantastiques, ainsi que d'espace de stockage et d'atelier pour la maintenance, évidemment, de ces véhicules. Alors la vie des 4 Fantastiques n'a pas été, dès le début, très rose, hein, puisque après avoir acheté ces 5 derniers étages, très vite, les 4 Fantastiques ont fait l'objet de difficultés financières, et Richard a dû revendre les étages qui étaient en sa possession, et ils étaient devenus non plus propriétaires, mais ils étaient devenus locataires. Et la difficulté, c'est que les étages ne lui appartenant plus, il ne pouvait plus faire ce qu'il souhaitait. Les relations avec le propriétaire étaient très difficiles, et quand les 4 Fantastiques allaient mieux financièrement, eh bien, Reed Richards proposait de racheter le complet immeuble, même pas les 5 derniers. Il a décidé de racheter l'immeuble au complet, puisque dans le contrat qu'il avait signé, contrat de vente avec le propriétaire du Baxter Building, eh bien, il y avait une option d'achat qui était incluse dans le contrat de location si jamais les 4 Fantastiques revenaient à ce qu'on appelle meilleure fortune. Voilà, j'ai brossé un petit peu l'histoire de ce Baxter Building. Elle se présente ainsi. En tout cas, je peux vous dire que je suis au pied. C'est un édifice remarquable. Il est entièrement fait d'acier, de fer et surtout des vitres avec des effets miroirs. Bref, un building ou bâtiment typiquement américain tel qu'on en voit beaucoup à New York. Alors, ce que je vous propose, c'est de m'éloigner un petit peu de ce Baxter Building pour flâner un peu dans les rues. Et puis, je vais essayer de voir si je trouve un petit bar d'ambiance de New York, comme on aime, pour vous parler de l'origine des 4 Fantastiques. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est que l'univers Marvel se prépare à accueillir ce nouveau film des 4 Fantastiques qui vise à raviver l'essence de cette équipe légendaire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que après plusieurs adaptations, cette nouvelle version ambitionne de fournir une perspective renouvelée et fidèle aux origines des personnages. La sortie est prévue pour le 23 juillet 2025, on a le temps, plusieurs bandes annonces sont prévues, comme je le disais lorsque j'étais dans le vortex temporel. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais en tout cas, ce film est très attendu. Le projet est dirigé par Matt Shackman, donc c'est un réalisateur renommé qui a déjà travaillé sur des séries telles que, alors je me suis renseigné un petit peu, il y a Ugly Betty, Doctor Who, Game of Thrones, mais surtout qu'il a pu travailler sur des séries de super-héros, donc il a déjà l'expérience de ces séries-là. Il a aussi l'expérience de l'univers Marvel, puisqu'il a pu travailler sur la série The Boys, que vous avez sur Amazon Prime, d'ailleurs, soit dit en passant, excellente série, et surtout WandaVision, que beaucoup de fans Marvel ont adoré. Donc ça là témoigne son expérience en la matière, témoigne de sa compétence pour mener à bien ce film. Alors les fans peuvent s'attendre à une exploration approfondie des personnalités de Reed Richards, de Susan Storm, sa femme, Johnny Storm, bah du coup son beau-frère, et Ben Grimm. Le scénario est développé par Josh Friedman et Jeff Kaplan, qui promet d'apporter... Pardon, excusez-moi, madame. Pardon, désolé. Petite poussette au passage. Ah, excuse me. J'aurais oublié que j'étais aux États-Unis. Bref, j'en étais où? Oui, donc il promet d'apporter richesse et complexité au récit. Et Friedman, qui est au scénario, est reconnu pour son travail sur des œuvres de science-fiction majeures. Donc il a travaillé sur Terminator, je crois, je ne sais plus lequel. Et il a travaillé sur Avatar, La Voix de l'eau. Et Kaplan, lui, il a travaillé généralement dans des séries qui mêlaient à la fois humour et émotion. Et je trouvais ça sympa que Josh Friedman et Jeff Kaplan soient tous les deux mis en duo, puisque d'un côté on aura celui qui a l'expérience des œuvres de science-fiction et de l'autre celui qui pourra apporter l'équilibre entre humour et émotion, qui sont pour moi essentiels pour capturer la dynamique familiale des quatre fantastiques. Là, il y a un parc à gauche là. Ouais, non, on va aller à droite. Ouais, voilà. Tout droit. Ok, j'ai vu un pub là-bas, je vais y aller. Bon, oui, donc je reviens à mes moutons, comme on dit. Jan Springer, qui est aussi au scénario, lui est connu pour ses dialogues vifs et structurés dans les comédies et drames. Et justement, il pourrait contribuer à équilibrer légèreté et profondeur, qui est, outre l'humour et l'émotion, un aspect crucial pour l'essence des aventures des quatre fantastiques. Le casting, surtout, est un casting de renom. Hein. On a Pedro Pascal en Reed Richards, Vanessa Kirby en Suzanne Storm, Joseph Quinn en Johnny Storm et Ebon Moss en Ben Grimm. Voilà ce que je pouvais dire pour le moment. En tout cas, les attentes sont élevées pour cette adaptation, qui vise à rendre justice aux quatre fantastiques après des tentatives de cinématographiques infructueuses. Pour être poli, je vais dire infructueuses. En 2005, 2007 et 2015. Alors surtout le dernier en 2015, je vous raconte pas. Donc ce projet, donc, c'est quand même une opportunité pour Marvel de redresser la barre et surtout de nous faire oublier ce dernier film des quatre fantastiques de 2015. Donc ce film suscite une très grande attente parmi les amateurs du MCU. On a l'espoir de retrouver les dynamiques familiales, les aventures épiques et les combats emblématiques des quatre fantastiques. Avec ce casting talentueux et une équipe créative de premier plan comme je viens de le citer, pour moi, toutes les conditions semblent réunies pour un succès critique et commercial. Voilà, on arrive dans le pub, je vais essayer de rentrer dedans. Bah écoutez, on est pas mal ici. Écoutez, c'est plus ambiance café que pub au final. Yes. I would like a Coke, please. Thank you. Yes. A Coke. Ouais, yes. Yes. Pepsi, yes, if you want. Merci. Thank you. Oui, donc, comme je vous disais, je profite de ce moment. C'est vraiment bien ici. On est posé, les canapés en sky, là. C'est nickel. Eh bien, écoutez, je vais en profiter de cet endroit un peu plus calme que dans la rue pour vous parler de l'origine des quatre fantastiques. Donc les quatre fantastiques sont créés par Stan Lee et Jack Kirby et ils sont le premier groupe de super-héros de Marvel. Leur première apparition, elle date de novembre 1961 et ils sont apparus, nés, si je peux se permettre l'expression là, à une époque marquée par l'intérêt mondial pour l'espace, notamment les programmes Sputnik, Apollo. Bref, pour vous dire, c'est que on est vraiment, comme j'expliquais, et voilà pourquoi je suis venu fin années 50, début des années 60, puisque j'adore cette époque-là de la conquête spatiale. Les quatre fantastiques sont souvent considérés comme la première famille de Marvel en raison de leurs liens étroits et de leur esprit de camaraderie. L'origine des quatre fantastiques débute avec quatre individus qui embarquent dans une navette expérimentale conçue par le scientifique, l'éminent scientifique Reed Richards. Thank you. Le groupe se compose de Reed Richards, de sa fiancée Suzanne Storm, de son beau-frère donc le frère de Susan Storm, Johnny Storm, et Ben Grimm, qui est un ami qui est proche de Reed Richards. Au cours de leur voyage spatial, ils sont soumis à des radiations cosmiques, et de retour sur Terre, ils constatent qu'ils ont développé des capacités extraordinaires. Alors les capacités, bon, la plupart vous la connaissez, mais bon, pour rappel, Reed Richards, qui est appelé Monsieur Fantastique, peut lui s'étirer et se déformer à volonté. Susan Storm, qu'on appelle aussi la femme invisible, devient invisible et crée des champs de force. Johnny Storm, lui, est appelé la torche humaine. Lui, il enflamme son corps, il vole, il lance des boules de feu s'il veut, etc. Et Ben Grimm, la chose, qui se transforme, enfin déjà, pas qu'il se transforme, c'est qu'il est devenu une créature super forte avec une peau intégralement faite de pierre, avec une force assez conséquente. Voilà, c'est pas comme Hulk où il peut se transformer en Bruce Banner, pardon. Ben Grimm, non, il devient la chose et il est ainsi. Voilà. Les quatre fantastiques affrontent de nombreux ennemis. Donc le plus connu, c'est Victor Von Doom, qui est appelé aussi d'ailleurs Dr. Doom, qui est un génie scientifique, qui est motivé par le pouvoir notamment, mais aussi c'est aussi un sorcier. Voilà. Et cet adversaire apparaît d'ailleurs dans le premier film des 4 Fantastiques. Voilà. Dans la nouvelle adaptation cinématographique, il a été annoncé que le rôle de Dr. Doom allait être joué par Robert Downey Jr., qu'on le connaît hein, pour son interprétation de Tony Stark, Iron Man, voilà, dans le MCU. Et la dualité entre Reed Richards et Dr. Doom pourra être explorée, offrant ainsi des confrontations intellectuelles et morales intéressantes. Il faut savoir, c'est que Dr. Doom et Reed Richards sont deux éminents scientifiques, sauf que Dr. Doom a en plus la casquette de sorcier. Voilà. Un autre adversaire notable des quatre fantastiques connus, c'est Galactus, hein, qui est aussi appelé le dévoreur des mondes. Donc Galactus, c'est une entité cosmique extrêmement puissante, provenant de l'univers qui précède le nôtre. Voilà, son existence est liée à l'équilibre cosmique, car il doit consommer l'énergie vitale des planètes pour survivre. Avant qu'on le connaisse Galactus sous la forme que nous voyons aujourd'hui, il faut savoir c'est qu'avant c'était un explorateur spatial. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc son arrivée sur Terre, dans les bandes dessinées, dans les comics, met souvent les quatre fantastiques à rude épreuve. D'ailleurs, on peut ressentir, lorsqu'il apparaît, une certaine frayeur de la part de Monsieur Fantastique avec cette difficulté à devoir gérer une entité cosmique aussi puissante, qui, justement, l'emmène à des dilemmes moraux et à des défis importants. L'idée à chaque fois de Reed Richards, quand il y a Galactus dans le coin, c'est de vouloir protéger la planète. Rappelez-vous, c'était aussi la volonté de Tony Stark dans le MCU, protéger la planète Terre. Leurs aventures les conduisent à explorer aussi des dimensions parallèles, à rencontrer des races extraterrestres et à protéger la Terre de différentes menaces cosmiques. Alors, je pense notamment à un comics bien connu qui s'appelle Marvel Zombie, justement. Comment il s'appelle, Reed Richards se met à découvrir une dimension parallèle où nos super-héros sont devenus des zombies. Bref, leur histoire est riche en adversité, elle est riche en aventures variées, ce qui contribue à un intérêt constant aux quatre fantastiques et à l'univers. Les 4 Fantastiques ont marqué un tournant dans l'histoire des comics de super-héros, puisqu'ils ont apporté dans les comics une dynamique familiale réaliste. Contrairement aux héros parfaits de l'époque, ces personnages présentent des défauts, des conflits internes et des personnalités nuancées. Leur succès a permis le développement de nombreux autres héros et équipes au sein de l'univers Marvel. Ça a tellement plu d'avoir ce groupe de super-héros qu'on s'est demandé, on va en faire un autre, que l'on connaît tous, sous le nom, des Avengers. La série Fantastic Four, donc des comics, s'achève avec un numéro 588, qui voit la mort de la torche humaine, donc de Johnny Storm. Par la suite, c'est Spider-Man qui rejoint l'équipe, garde, on va dire, les initiales FF, non plus pour Fantastic Four, mais pour Future Foundation, Voilà. Conservant ainsi du coup, les initiales des Fantastic Four. Et Johnny Storm, pourquoi Spider-Man? Parce que Johnny Storm avait toujours dit et pensé que Peter Parker, aka Spider-Man, est seul à pouvoir prendre la relève à son égard. Il a toujours voulu d'ailleurs voir Spider-Man intégrer les quatre Fantastiques, puisque dans beaucoup de comics, Spider-Man rencontre la Torche Humaine et inversement, et ils sont très amis. J'aimerais bien, je ne cache pas, dans le cadre du MCU, voir, comme je peux lire, j'ai pu lire certains comics, voir cette relation fraternelle qui existe entre la Torche Humaine et Spider-Man, parce que c'est extrêmement divertissant, parce que leur personnalité est très complémentaire. En ce qui concerne le MCU plus précisément, il est envisageable que Tom Holland puisse rejoindre l'équipe. C'est ce que je me suis posé comme question, pourquoi pas. Avec le MCU, toutes les possibilités sont bien sûr ouverte. Bon, allez, je vais aller payer l'addition. Ah, faut pas oublier le tips. Aux États-Unis, il faut toujours mettre un tips. Voilà, le pourboire indispensable pour les employés américains qui travaillent dans la restauration. Donc, je vais payer mon tips et puis je vais retourner dans la rue, puisque bien que ça se termine, ce podcast. Et donc du coup, je dois reprendre le vortex temporel pour rentrer à la maison parce que les filles m'attendent pour manger. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de retourner au pied du Baxter Building puisque le vortex temporel, c'est là que je suis arrivé et c'est là. Donc du coup, que je vais repartir pour retrouver mes filles et mon épouse. Ce que je vous propose, c'est juste de faire une analyse succincte de la bande-annonce, que la première, puisque je pense que l'heure où va être diffusé cet épisode, il y en aura eu d'autres, notamment. Donc merci de tenir compte qu'il y a peut-être un retard sur les bandes-annonces, mais en tout cas, les prochaines bandes-annonces, pour moi, vont être beaucoup plus importantes, notamment à l'égard du détail, et je pense que je ferai comme j'ai pu faire avec l'épisode de Daredevil, faire une analyse détaillée, plan par plan, notamment avec certaines théories. Voilà. Avec cette nouvelle adaptation cinématographique, Marvel Studios vise à attirer non seulement les admirateurs de longue date, mais également à introduire les 4 Fantastiques à une nouvelle génération de spectateurs. Les plus jeunes d'entre nous connaissent seulement les 4 Fantastiques de nom, mais ne connaissent pas réellement l'impact des 4 Fantastiques dans l'univers Marvel. Dans tous les cas, les attentes sont significatives. Chaque aspect de la production va être soigneusement analysé au-delà d'analyser, mais inspecté pour voir si le Marvel a respecté les origines des 4 Fantastiques tout en fournissant une aventure unique et captivante dans le cadre du MCU. En conclusion, le retour des 4 Fantastiques sur grand écran constitue un événement très attendu qui promet de célébrer l'héritage de ces héros tout en leur insufflant une nouvelle vie dans l'univers cinématographique Marvel. Donc, on attend avec impatience de découvrir cette famille qui sont les 4 Fantastiques. On va voir si le Marvel va rester fidèle à l'esprit de camaraderie, l'esprit d'aventure qui a forgé la renommée des 4 Fantastiques. Pour ce qui est de la bande-annonce plus concrètement, on peut analyser de premier abord une ambiance rétro-futuriste du film et de l'environnement dans lequel évolueront les 4 Fantastiques. Il semble qu'on ait ainsi, sur cette ambiance rétro-futuriste, une volonté à respecter une ambiance fidèle aux comics. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le vortex pour pouvoir vous parler des 4 Fantastiques, puisqu'on se retrouve dans une ambiance début années 60, fin années 50, où on peut percevoir cette ambiance dans les rues de New York, avec la passion en devenir des citoyens pour l'exploration spatiale, puisque, à mon souvenir, on voit des enfants courir vers des télés situées dans des rayons de magasins pour voir justement le décollage de la navette des 4 Fantastiques. Mais bizarrement, cette ambiance ne nous est pas inconnue, car quand on regarde bien, cette ambiance, elle a un peu le style que l'on connaît avec le TVA de Loki. Je m'interroge si justement cet univers des 4 Fantastiques n'a pas inspiré l'ambiance qu'on retrouve pour le TVA. Parce que Kang, ce n'est pas forcément à vous que je vais l'apprendre, pour certains, Kang aurait comme ancêtre Reed Richards. Enfin, quand je dis un ancêtre, c'est un possible descendant de la famille Richards plus précisément. Dans les comics, Kang s'appelle Nathaniel Richards. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire qu'il a un lien direct avec Reed Richards. En regardant plus près également, on voit le Baxter Building dans la bande-annonce qui est de loin celui que j'ai sous les yeux, à savoir le Baxter Building originel. Celui que j'ai sous les yeux est tel que je vous ai décrit tout à l'heure, celui de la bande-annonce a un design plutôt bleu-blanc avec également le chiffre 4 qui trône en son sommet. Soit dit en passant, dans la bande-annonce, ce design bleu et blanc est très agréable à regarder. Design que l'on retrouve aussi sur la tenue des 4 Fantastiques, qu'on découvre aussi sur la voiture, la fameuse voiture, la Fantasticar, hein, où le traditionnel chiffre 4 apparaît partout. Voilà, donc on est dans l'ambiance des BD, on a l'impression que la production a souhaité être fidèle au dessinateur de Jack Kirby. En regardant de plus près, on constate bien qu'on est dans un autre univers du MCU que Terre 616. Les effets spéciaux ont l'air très bien. Les bruitages aussi. Alors, je me suis amusé à écouter un petit peu les bruitages. On entend carrément. Il y a carrément des bruitages sur la peau de pierre de la chose. Je vous invite à regarder, c'est vraiment intéressant. On est jusque là. Jusqu'à bruiter la. À faire un bruitage sur la peau de pierre de la chose. On voit aussi les pouvoirs des personnages dans cette bande-annonce, mais on peut voir dans cette première bande-annonce que le pouvoir de Monsieur Fantastique n'est pas visible. Voilà, on est plus sur une situation où on le démontre dans une posture de scientifique plutôt que celui de super-héros, contrairement aux autres membres des 4 Fantastiques. Voilà. Autre chose qui m'a touché dans cette bande-annonce, c'est qu'on voit le mal-être de la chose, alors comme dans les anciens films, mais aussi on le voit aussi dans les comics, puisque la chose, par sa transformation, on va dire ça, bien Ben Grimm n'a pas la vie qu'il ne peut avoir. Voilà, notamment je pense à un comics où il se marie, où c'est pas évident pour lui, il doit supporter sa nature entre guillemets. Pendant tout son mariage, et il se demande d'ailleurs comment son épouse va accepter sa nature. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un mal-être, qui est quelquefois tourmenté par son apparence. Voilà. Pour ce qui est de Monsieur Fantastique, on va revenir dessus. Les rumeurs et analystes donc ont regardé la bande-annonce X fois et vous diront que la scène justement où il écrit sur le tableau concerne son travail sur la machine qui permettrait aux 4 Fantastiques de voyager entre les univers. Autre élément qui a retenu mon attention, c'est qu'on voit le méchant Galactus, on l'aperçoit par l'arrière de son casque à pointe, qui est très emblématique, et une ombre qui recouvre une partie de New York, ombre qui correspond à la grandeur de ce méchant Galactus. Il y a l'idée que Galactus a le pouvoir de changer de taille, c'est ce qui rend d'ailleurs plus effrayant. L'apparition de Galactus avec son casque à pointe emblématique et l'ombre gigantesque qu'il projette à New York génère une tension palpable. Je me demande justement si Reed Richards ne se met pas à construire cette fameuse machine à voyager entre les univers pour échapper, on va dire, à la destruction éventuelle de son univers et protéger ainsi sa famille. Autre élément qui a retenu mon attention, c'est le robot Herbie. C'est le petit robot que vous voyez qui est tout mignon, qui est d'ailleurs conçu par Monsieur Fantastique. Il interagit avec la chose, et d'ailleurs je crois qu'ils cuisinent ensemble, ce qui est assez loufoque, vous me direz. Il semble, on va dire, encadrer l'équipe ou les protéger. Alors, dans les comics, Herbie est conçu par Reese Richards et Master Xar de Xandar. Voilà, à la base, Herbie était destiné à localiser Galactus. Donc, il est souvent connecté au système informatique. Il est capable de générer de l'électricité. Bref, dans les comics, c'est un allié assez indispensable. Et en plus, il fait office de nourrice, voilà, entre guillemets, pour les enfants de Reese Richards et de son épouse. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle, quand il était créé, il a vraiment un rôle dans la famille des quatre fantastiques. Donc dans la bande-annonce, Herbie, donc on le voit qu'il est au Baxter Building, on a cette impression qu'il est là pour aider les héros. Il a un petit côté, il me fait penser un petit côté Wally, avec un, je sais pas, j'espère qu'il va avoir un petit côté Wally, avec un petit côté humour, un petit côté comique, voilà. Je pense qu'il aura ce rôle-là, parce qu'on peut voir qu'il y a un échange assez humoristique, complice avec Ben Grimm, donc ce qui peut refléter la relation qu'il a avec les quatre fantastiques. Voilà, j'espère vraiment que c'est un personnage qui va être un personnage à part entière, et pas simplement un outil de travail pour les quatre fantastiques. Voilà, j'espère vraiment, et je le redis, qu'il ait un peu le tempérament de Wally. Ça serait pas mal, voilà, pour être un fan du film de Wally. J'espère qu'il ait un peu le tempérament de ce dernier. Voilà, donc cette intégration d'Herbie me met aussi encore une fois dans l'idée que les producteurs, la production a voulu montrer que Marvel Studios veut respecter l'héritage des 4 Fantastiques et souhaite être fidèle aux comics, tout simplement. Son rôle exact à Herbie n'est pas clair, voilà, mais voilà, je pense que ça va être un plus dans cette équipe. Voilà à peu près, donc vous voyez, j'ai fait une brève analyse de la première bande-annonce, parce que comme je vous expliquais, pour moi, c'est les prochaines qui vont être plus importantes, donc je prendrai plus de temps sur les prochaines bandes-annonces qui vont sortir, prochains teasers, comme on dit, où là, j'expliquerai de manière détaillée chaque moment important de ces derniers. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser, puisque là, je vais aller retrouver ma famille, reprendre tranquillement le vortex temporel qui m'a amené ici. J'espère que ce bref voyage temporel vous a plu. J'espère que la création de cet épisode vous a plu aussi. Certes un peu original, mais en tout cas fait avec amour et passion. Voilà, sur ce, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.